Tu es un auditeur, Harry. Je suis un quoi ? Un auditeur, et tu écoutes Radio Sangor. Gouit couloir, on n'a pas d'outils, mais on a des infos. Bonjour Gringe. Ça va ? Tu montes un peu ? Ouais, super. Bonjour Gringe. Vous allez bien ? Ouais. Vous êtes un chanteur, un acteur, et vous avez joué aussi dans la série Bloqué, mais aujourd'hui, vous êtes ici pour parler de votre livre Ensemble, on aboie en silence. Avant de commencer, je voudrais dire que toute l'équipe de la radio et du Club Journal aussi est très heureuse de vous accueillir ici dans nos studios. Bah merci de m'inviter. Il fallait que ce soit vous, hein, sinon j'aurais jamais remis un pied au lycée. C'était un petit exploit déjà, un petit miracle, mais je suis content de vous rencontrer. Donc avant de commencer l'interview, je vais resituer qui est Gringe, au cas où il y aurait des incultes dans la salle. Carrément des incultes. Alors vous appelez en réalité Guillaume, vous êtes né en 1980 à Caen, dans notre belle région de Normandie. Ça fait peur hein, quand tu dis 1900, j'ai l'impression que c'est début du siècle. Vous avez fait de la musique, d'abord en duo avec Aurel San, mais récemment vous avez sorti votre premier album solo Enfant Lune en 2018, qui a d'ailleurs été certifié disque d'or, bravo. Merci. La série Bloquée a accumulé plus de 500 millions de vues pour 160 épisodes, qui est aussi un réel succès. Vous avez également fait du cinéma, d'abord en déchirant les billets à l'entrée, mais aussi en jouant dans le film Comment c'est loin, et ça vous a d'ailleurs donné l'opportunité de faire acteur dans d'autres films. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de votre livre sur la schizophrénie de votre frère. Vous en aviez déjà parlé dans le morceau Scanner, et vous avez aussi sorti le single Ensemble, on aboie en silence. Avant de rentrer à fond dedans, je voudrais donner cette statistique. Sur la FNAC, votre livre a la note de 4,5 sur 5. Pour le comparatif, c'est la même note que la Bible. Chacun en tirera les conclusions qu'il veut. C'est une comparaison flatteuse, hein, tout ça. Donc, gros bagage d'artiste touche à tout, hein, c'est vrai. C'est vraiment quelque chose d'assez rare d'avoir été performant dans plusieurs domaines comme ça. Après avoir parlé du CV de notre invité, je vais parler un peu de ses goûts. Si vous deviez choisir un seul plat, ce serait la pizza à l'ananas. Choix plus que discutable. Toujours. C'est toujours discutable aussi, je suis d'accord avec toi. Vous n'aimez pas trop les 14 février, Batman ou encore Franklin car il se vante de savoir faire ses lacets alors qu'il a jamais de chaussures. Vous avez jamais investi dans la crypto-monnaie. Enfin, quand on vous demande si votre frère est stabilisé, vous répondez que vous l'attachez avec des tendeurs sur le toit de la voiture au moment de partir en vacances. C'est toujours le cas. Voilà, j'espère que ça aura aidé nos auditeurs à vous resituer. On va maintenant passer à la critique du livre avec Raphaël, notre expert littérature. En 2020, vous êtes devenu un écrivain en publiant votre premier livre, Ensemble, on aboie en silence. Ce livre raconte l'histoire de deux frères, l'un avec l'âme d'un artiste, l'autre avec une volonté de plaire. Je cite la quatrième de couverture, « Quand Thibaut fonce, Guillaume calcule. Si Thibaut tombe, Guillaume dissimule. Prise de risque contre principe de précaution, l'amour du risque face à l'art de ne jamais perdre. » Gringe dit lui-même que ses parents ont mis au monde la parfaite antithèse. Toutefois, en 2001, Thibaut, l'artiste, est diagnostiqué schizophrène. Ce récit émouvant raconte l'histoire de ses deux frères, l'un ayant cette pathologie psychiatrique chronique, et l'autre, regardant, que dis-je, admirant son frère, lutter et vivre avec. Grâce au choix d'une plume sobre du côté de Gringe, le livre touche un large public, pas forcément familier de la littérature. Il raconte de façon très simple l'histoire et les sentiments, sans laisser une grande place à l'interprétation. Toutefois, du côté de Thibaut Tranchant, c'est un choix d'écriture plus complexe. Ses phrases sont écrites avec l'impression pour les lecteurs qu'il parle comme il écrit. Perdu dans ses pensées, s'égarant à chaque question, avec de nombreuses onomatopées criant sa déception, des figures de style à tout va, souvent des oxymores pour évoquer ses confusions, et des phrases brèves d'une moyenne approximative de 3 mots, montrant une hyperactivité intérieure. Le lecteur ressent bien toutes les pensées de Thibaut. Mais croyez-moi, cette plume n'est pas parlée mais bien écrite. Quel être humain est capable de dire couillon, épopée psychiatrique, zombie et lenteur invisible dans un même paragraphe sans avoir réfléchi des heures? Personne. Et même en y réfléchissant des heures, cela reste très compliqué. J'ai rarement lu une plume aussi expressive. Cette dualité entre Gringe et Thibaut, avec leur style d'écriture, crée du rapprochement. Pas la même plume, mais le même livre. Pas le même caractère, l'un rageur, l'autre candide, mais le même amour fraternel. Car oui, le thème phare n'est pas comme le laissent sous-entendre les résumés plus ou moins bien faits d'Internet. Le seul et véritable thème de ce livre est cet amour fraternel. Si l'un a une peine de cœur, l'autre le réconforte. Si l'un a besoin d'aide, l'autre le pousse à se débrouiller seul. Malgré leur chamaillerie enfantine, ils se réconforteront toujours. La schizophrénie n'est que le fil directeur, telle une mèche servant à nous guider vers l'excipite. La mèche passe partout, de l'enfance à jeune adulte, de Guillaume à Thibaut, de textes à photos et de photos à poèmes. Cette mèche se heurte à plusieurs murs, des véritables comme la maison de famille ou bien l'HP, mais aussi des abstraits comme la peur ou la tristesse. Gringe ne veut sûrement pas réduire son frère à l'étiquette de schizophrène, mais bien celui d'un humain qui sait écrire, jouer, voyager, aimer, se droguer et vivre. Ce livre aurait pu autant être présenté à l'occasion de la journée des frères et sœurs, le 10 avril, comme quoi la complexité d'un être humain ne se réduit jamais à une de ses identités. La question que je me pose alors, c'est est-ce vraiment un livre sur la schizophrénie ? Alors déjà, est-ce qu'on peut applaudir Raphaël pour sa chronique ? Parce que j'en ai... On m'a fait cadeau de plusieurs chroniques depuis la sortie du bouquin, mais la tienne est particulièrement bien écrite et inspirée. Bravo pour ça. Et du coup, quelle était ta question déjà sur la schizophrénie ? Est-ce que c'est vraiment un livre sur la schizophrénie ? Je crois pas. Je pense que c'est comme tu l'expliquais en filigrane, c'est d'abord un bouquin sur la fraternité. Et parce que j'ai aucune envie de réduire mon frère à un symptôme, à son symptôme, et qu'il ne se réduit pas qu'à ça. J'avais besoin d'expliquer, de raconter du point de vue du grand frère la complexité qui compose, qui fait la personnalité de mon petit frère, qui est doué d'hyper-empathie, qui est un artiste, qui est quelqu'un qui a un rapport au temps très particulier, qui est une personne hyper à l'écoute, très famille, beaucoup plus que moi, mais qui est aussi schizophrène, qui a aussi un symptôme, un trouble psychique qui s'appelle la schizophrénie, avec lequel il se bagarre, avec lequel il vit au quotidien. Donc j'avais besoin par ce biais-là, le biais de la fraternité, c'est d'ouvrir une brèche vers ça, tu vois, vers ce que je comprends de la schizophrénie de mon petit frère, et je comprends pas tout. Est-ce que votre frère, qu'est-ce qu'il en a pensé du livre d'abord, et ensuite est-ce que ça l'a aidé d'une manière ou d'une autre lui, et est-ce qu'il a conscience de l'impact du livre pour aider les autres? Alors, ce qu'il en a pensé, ça reste un peu opaque. Je sais qu'il a, ça a été très compliqué de l'embarquer à mes côtés, de le convaincre. D'y participer, que ce soit pour écrire ou juste simplement me délivrer les informations dont j'avais besoin pour écrire un peu. Ça a été très compliqué de le rassurer. Une fois que le bouquin est sorti, il l'a lu et j'ai eu deux critiques plutôt positives. La première, c'était qu'il trouvait ça, il avait trouvé le bouquin poétique et facile à lire. Et je me suis dit que pour une personne victime de ou sujette à des troubles psychiques et un bordel intérieur, à des voix parasites, le fait qu'il puisse se concentrer à une heure et demie de lecture, je me suis dit cool, ça c'est un premier challenge de remporter, parce que ça veut dire que ce bouquin s'adresse aussi aux gens victimes de ce genre de vacarme intérieur, quoi. Et puis qu'il avait trouvé ça fidèle à la réalité. Je me suis approché au plus proche de... J'ai essayé de retranscrire au plus proche les voyages qu'il a pu faire. Par exemple, j'ai interviewé mon frère avant d'écrire le bouquin. J'ai fait plusieurs sessions d'interview, je suis descendu dans le sud le voir, et pareil, il a fallu que je le rassure un peu, que je le mette en condition, pour que sa langue se délie un peu, tu vois. Donc voilà ce qu'il en a pensé, et j'ai perdu le fil. C'était quoi, j'ai plus tes questions après. Là, c'était plusieurs questions sur l'impact que le livre, sur l'impact que le bouquin. Je sais pas s'il en a conscience. En tout cas, c'était aussi un des arguments, moi, pour le convaincre de s'embarquer avec moi. C'était la portée de ce bouquin, beaucoup plus universelle que notre petite histoire de frangin, et qu'ils comprennent qu'à travers sa voix, son témoignage, c'était un témoignage qui pouvait être hyper fédérateur et faire en sorte que les gens victimes de schizophrénie se sentent un peu moins seuls, moins incompris. Ça, c'est important, et ça, c'est un message qu'il a reçu et qui l'a convaincu, tu vois. Donc, il est conscient de l'impact. Il m'a vu un peu à la télé, il m'a vu en parler à la radio. Enfin, il est tombé sur des podcasts, donc il a conscience que c'était une entreprise sérieuse, ce bouquin, quoi. Et il en est super fier. On va maintenant céder la parole à Marie-Ange qui va poser une question. Bonjour. Salut. Et du coup, j'aimerais savoir comment maintenant vous gérez le fait d'avoir partagé votre histoire familiale, du coup, avec des milliers de personnes, et comment votre frère aussi le gère. Alors ça, c'est une bonne question, parce que c'est une question que j'ai jamais posée à mon frère, et j'aurais peut-être que je lui poserais, du coup, comment il gère à la fois les retours qu'on peut lui faire à son niveau et le regard des gens là-dessus. Moi, comment je gère ça, moi, je sais pas si j'en ai conscience. Je fais en sorte que non. Je pense que, comme à chaque fois que je sors un projet, même si j'en ai pas sorti beaucoup seul, après, après ceux des casseurs flotteurs avec Aurel, je fais pas gaffe, je suis assez obsessionnel et tout, donc quand je rentre dans un processus d'écriture ou de création, je fais mon truc à fond, et une fois que c'est dans la nature, ça ne m'appartient, je considère que ça ne m'appartient plus et que le projet voyage a son temps de vie et qu'il voyage où il doit aller, quoi. Après, ce bouquin m'a quand même permis, contrairement à mes projets précédents, d'aller à la rencontre de plein de gens. La preuve, c'est qu'un an et demi après la sortie du bouquin, je suis avec vous et ça continue, quoi. Je participe à des salons, à des discussions dans des librairies, à des rencontres. Et c'est hyper important. Pas pour le bouquin. C'est pas le fait de le promouvoir, je m'en fous. Au début, c'était important parce que il fallait que je réussisse la transition du rap à l'écriture et il y avait un peu de cinéma et je crois que c'était compliqué pour les gens de m'identifier, de savoir ce que je faisais, à part être le sidekick d'Aurel, quoi. Donc il y avait ce petit enjeu pour moi et très vite, je me suis rendu compte que ce bouquin drainait tout un public et des gens qui étaient quand même en grande partie concernés par les troubles psychiques et par la schizophrénie. Et j'ai saisi l'importance aussi de la portée de notre message à mon frère et moi. Et du coup, il a fallu que j'aille à la rencontre de plein de gens. Enfin, c'est devenu un plaisir et presque une mission, tu vois. Genre, libérer la parole au maximum. Je vais maintenant céder la parole à Ethan qui va poser une question sur la genèse du livre. Moi, je vais vous poser la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu le livre. Dès le premier chapitre, en fait, qui s'appelle « Et toi pour 10K, t'y vas ?» de mémoire. Donc, on vous racontait qu'à la base, une maison d'édition vous a dit « Ce serait bien d'écrire un livre sur la schizophrénie de votre frère. Et pour ça, on va vous donner 10 000 euros sans rien faire. » Et vous vous êtes dit dans votre tête « Ce serait bête de passer à côté de 10 000 euros gratuitement, on va dire. » Mais à la poursuite de la lecture, je me suis rendu compte que c'était pas possible d'écrire un livre tel que celui-là si le seul moteur, c'était l'argent. Bien sûr. Est-ce que vous auriez quand même écrit un livre s'il n'y avait pas eu ce moteur financier ? Oui, c'est une... chapitre d'introduction, il est... je le fais de manière, enfin, je l'écris de manière ironique. Le prétexte que je prends, l'appât du gain, l'argent, le billet qu'on me propose pour dévoiler les secrets de mon frère, le fait que j'accepte et que je l'écrive comme ça et que je le présente de cette manière-là, c'est moi me présenter comme un grand frère horrible, vénal, opportuniste. Et c'est mon petit côté casseur, flotteur, tu vois. Genre, j'ai besoin, encore une fois, c'était, je pense, pour transitionner de la musique et de ce que j'ai pu faire avant à ce livre dont le sujet reste quand même un sujet très sérieux. Il fallait que je dédramatise un peu la chose dès le début, mais je pense que je l'ai fait de manière suffisamment grosse, ou grossière en tout cas, tu vois, entre guillemets, pour que les gens se disent ok, ça va pas être un bouquin anxiogène et on va peut-être se marrer un peu de temps en temps c'était surtout ça ce qui m'intéressait de faire, quoi. On va continuer sur les origines du livre, Tess, vas-y. Bonjour. Salut. En lisant le livre, j'ai remarqué beaucoup de phrases un peu poétiques qui transcrivaient plutôt bien la nature du livre. Et je me suis demandé pourquoi avoir choisi « Ensemble, on aboie en silence » comme titre. Alors, c'est pas moi, c'est un de mes éditeurs. Ils sont nombreux, du coup. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont bossé sur le bouquin. Il y a deux maisons d'édition, il y a HarperCollins et Wagram Livre, et chez Wagram Livre, monsieur qui s'appelle Arnaud Le Guichet, qui est un de mes éditeurs, et qui a lu un de mes premiers chapitres, et c'était celui sur le chien de mon frère, James, qui s'appelle le chapitre s'appelle Peau de Sable. Et à la fin, il me dit, mais c'est super beau, je fais une comparaison dans la relation que mon frère entretient avec son chien, qui est complètement fusionnelle. Je dis que, en gros, ils partagent la même gamelle et que quand c'est le bordel pour l'un comme pour l'autre, ensemble, ils aboient en silence. Ils me disent, ça c'est beau ça. Et c'est vrai que j'avais des titres, moi, des idées de titres un peu vagues à ce moment-là du processus d'écriture. Et que je lui ai dit, ouais, t'as raison. Je trouve ça, c'est à la fois très poétique et en même temps, ça nous ressemble bien. C'est ce qui symbolise, dit que les grandes douleurs sont muettes, tu vois. Et du coup, je trouvais que ça, je trouvais que ça nous ressemblait bien, voilà. Et moi, quand je fais des chansons, j'accorde vachement d'importance au titre. Je trouve qu'un titre, ça te donne déjà envie d'écouter ou non une chanson. C'est la première porte d'entrée. Là, ça a été une évidence, quoi. Il aurait pu s'appeler comment, sinon, le livre ? Pff, j'avais des trucs vraiment enfin, un peu flous, quoi, hein, des bords cadres, je crois, au début. Voilà, bords cadres, je sais plus quoi d'autre. Mais c'est vrai que c'était trop abstrait, et c'était peut-être aussi un petit peu trop austère. Je voulais quelque chose de plus doux, et voilà, et c'est venu comme ça, quoi. D'accord. Rémi, vas-y. Et donc, est-ce que votre chanson On aboie en silence a été écrite avant le livre ou après? Pendant. Pendant, parce que c'est un moment. L'écriture de ce morceau, il survient à un moment où j'ai plus d'inspiration pour le bouquin. Je suis un peu bloqué. Il y a eu quelques. Pendant 5-6 mois d'écriture, il y a eu des moments où j'étais tari, j'avais plus d'idées, j'avais plus de. J'avais plus la gym de l'écriture, les mots sortaient moins bien, voire plus du tout. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, je vais écrire un chapitre sous forme de chanson. Donc au début, c'était une chanson écrite pour le bouquin et qui n'était pas vouée à ce que je la chante, quoi, à ce que je l'enregistre. Et puis j'ai débloqué les nœuds et je suis parvenu à aller jusqu'au bout du processus d'écriture pour le bouquin. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ce texte? Je trouve que c'était une bonne idée pour promouvoir ou annoncer l'arrivée de ce bouquin, de le faire en chanson, parce que c'est ce que je sais faire, quoi. On laisse la parole à Ethan qui va. Vas-y. Donc, je voulais savoir, le livre montre en fait votre point de vue sur la schizophrénie, comment elle est traitée par des médecins, des gens de votre famille, des gens extérieurs. Est-ce que vous trouvez que cet avis, ce traitement a évolué au cours des années? Et est-ce que le regard sur cette pathologie pour vous aujourd'hui est bonne? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'elle est bonne? Ouais, je crois pas. J'ai le sentiment quand même depuis quelques temps en tout cas dans les médias, et je suis très peu connecté sur l'extérieur, le monde extérieur. Donc je suis très peu en vérité sur les réseaux. Je regarde pas la télé. J'écoute un peu la radio, mais pas beaucoup. Mais j'ai quand même le sentiment, c'est peut-être une idée, qu'une intuition, que les sujets qui ont attrait aux troubles psychiques, aux pathologies mentales en général, on en parle un peu plus. Je suis tombé sur quelques témoignages de gens directement concernés par des troubles, qui prenaient la parole et qui osaient en parler, qui le faisaient plutôt bien en plus. Donc j'ai l'impression que de ce côté-là, les regards sont en train de changer un peu, puisqu'on offre un peu plus la parole aux gens concernés par ces pathologies. Ça, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Après, te dire si les traitements... je crois pas que les traitements aient tant évolué que ça. Je pense que l'accompagnement autour des personnes en difficulté a changé. Je pense qu'il y a plus de gens qui sont formés maintenant à la paire aidance et plus de gens spécialisés autour des questions de la maladie mentale. Mais il n'y a pas de traitement à proprement parler pour les gens schizophrènes, en tout cas. C'est des traitements base d'antipsychotiques, c'est des traitements lourds et c'est souvent les mêmes. Et c'est les mêmes depuis 15-20 ans, depuis que Thibaut est malade. Ça a peu changé, quoi. Il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle Boris, où je parle de ce chercheur en biologie moléculaire qui bosse à Sainte-Anne. Et c'est lui qui m'expliquait qu'il y avait des progrès autour de ces maladies, mais qu'ils étaient infimes encore et qu'ils se faisaient très lentement. Très lentement, parce qu'il y avait, on couplait peu les informations. Et entre les différents services, lui, il travaille en biologie moléculaire. À côté, il y a un service de radiologie, par exemple, où les gens travaillent sur des radios, sur de la scannerie, sur de l'imagerie, et ils couplent pas les informations trouvées. Donc, enfin, tout prend énormément de temps en France, en tout cas, par rapport à d'autres pays en Europe. Et donc, c'est compliqué par rapport au traitement, pour l'instant. Et dans le prolongement, vous dites qu'il y a eu une amélioration dans la manière dont la maladie a été traitée du point de vue de l'éducation, de la formation. Mais malgré tout, est-ce que du point de vue de l'État, de la société en général, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué, que vous auriez aimé qu'il y ait plus de soutien ou de support dans votre famille ou... Rétrospectivement, je saurais pas dire ça, parce que en vérité, quand ça te tombe dessus à l'époque, tu fais que t'adapter au jour le jour, tu vois. Moi, j'étais pas en attente de. Moins j'en savais sur la schizophrénie, le mieux je me portais, parce que j'avais peur que ça dénature mon regard, le regard que j'avais sur mon petit frère. Tu sais, donc je voulais pas trop de peur de savoir de quoi il souffrait réellement, quoi, et que ça nous éloigne. Je voulais pas trop savoir. Ma mère se renseignait beaucoup, mais je la questionnais peu. Maintenant, je sais pas. Il y a des choses qui révoltent toujours aujourd'hui, tu vois, mais en même temps, tu peux pas condamner les gens pour leur méconnaissance ou leur ignorance, tu vois, c'est comme ça. Ce sera toujours comme ça. Et du coup, c'est le fait d'en parler comme on fait aujourd'hui, le fait de faire circuler la parole, ça peut paraître anodin ou peut-être un peu naïf quand on le fait à petite échelle, tu vois, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que les changements se font, tu vois, à petite échelle, et c'est la répétition du phénomène, et c'est le fait que les gens en parlent autour d'eux, c'est le fait de se faire propager le bruit, de le faire courir, tu vois, c'est important. Avec le recul, et peut-être en étant un peu mieux renseigné, vous auriez changé quelque chose dans votre manière d'appréhender votre frère ? Non, j'ai quand même travaillé sur ma culpabilité. Il y a quelques années, je t'aurais répondu que oui, j'aurais tout refait différemment. Mais certainement pour un résultat identique, tu vois, est-ce que ça aurait changé quelque chose à l'arrivée, rien n'est moins sûr. Donc non, c'est ce que j'expliquais à ta collègue, c'est tu composes au jour le jour, avec tes failles, tes flips, tes doutes. Donc je me protège beaucoup quand je reconnais de moins en moins mon frère. Je me maintiens à l'écart, donc je suis moins peut-être, je suis moins vigilant, je suis moins attentionné, je suis moins protecteur. Mais c'est des phases essentielles à ce moment-là, moi, pour me protéger de ce qui m'arrive, de ce qui arrive à mon frère, de ce qui m'arrive par ricochet, tu vois. Vas-y Marion, je... J'ai une autre question, parce que vous parlez du coup de votre culpabilité. Quand vous avez déménagé à Cergy, dans le livre, vous nous racontez comment votre attitude devient plus violente, et notamment à l'égard de votre frère avant la maladie. Est-ce que si vous pouviez retourner en arrière, il y a quelque chose que vous l'auriez changé ? Ouais, peut-être la violence des mots, des comportements, mais ça c'est pareil, ça survient à un âge où, je sais pas quel âge vous avez vous, en moyenne, 16, 17 ? Ouais, à cet âge-là, j'étais en roue libre, dans un environnement dur. Cergy, c'était dur. Je sais pas si ça a changé, mais à l'époque, c'était comme ça, tu vois. C'était, il fallait montrer, il fallait absolument pas montrer, quoi. De signes d'empathie, tu vois. Donc j'étais dur avec Thibaut. Forcément, ça se répercutait sur lui. Je ramenais la violence à la maison. J'étais le grand frère, donc en plus j'essuyais les plâtres, tu vois, j'avais pas moi de grand frère ou de grande sœur, voilà, je me trompais souvent, tu vois, avec mon petit frère, mais j'ai eu de grands moments aussi de complicité avec lui à l'adolescence, tu vois, c'est vrai que c'est un âge où on s'est un petit peu éloigné parce que je lui ai pas trop laissé le choix. Comment on compose avec la culpabilité d'avoir un petit frère comme ça, en se disant que nous, voilà, la culpabilité du survivant? Bah ça c'est dur, hein. Mais encore aujourd'hui ça, tu vois, c'est un phénomène avec lequel je dois composer, c'est pas tout le temps simple, y a des moments de décrochage complet où j'ai envie de juste le temps s'arrête ou bref, je trouve des biais, tu vois, pour anesthésier un peu la culpabilité, la tristesse, mais il y a aussi ce petit frère quand même qui m'appelle souvent, beaucoup plus que l'inverse, qui demande de mes nouvelles, on se voit quand même très régulièrement, je descends beaucoup dans le sud, des fois il monte sur Paris, donc on est quand même très très proches, et ça aide aussi, tu vois, à atténuer un peu le sentiment de culpabilité. Si je m'étais complètement désolidarisé, éloigné de lui, aujourd'hui je pense que je serais rongé par la culpabilité. Vous voyez plus depuis que le livre est sorti ? Non, on s'est toujours vu. On s'est toujours vu, après c'est vrai que là pour le bouquin, il y a eu une espèce de... Bah d'un coup, il s'est retrouvé un peu sous le... Enfin, il s'est retrouvé, pas sous le feu des projecteurs, mais d'un coup, son histoire est devenue, a été scrutée, lue et un peu étudiée. Donc ça a été quelque chose de déstabilisant pour lui, en même temps d'hyper valorisant, tu vois. C'était aussi une manière de lui rendre un peu de sa fierté bafouée, quoi, toutes ces années, par les instituts, par les gens, par les regards, le manque de considération. C'était important, tu vois. Tess, vas-y. Dans votre livre, à la fin d'un chapitre, vous expliquez que les gens ont tendance à le voir, enfin à voir votre frère comme uniquement, enfin comme un symptôme en fait. Ils ne le voient que comme sa maladie. Est-ce que vous avez écrit votre livre pour, en quelque sorte, réhumaniser votre frère, ouais, lui redonner son humanité? Ouais, en fait, complètement. Ouais, complètement. Pas qu'à lui, hein. Tous les gens que j'ai croisés dans des centres par lesquels il est passé, les gens avec qui il a connecté, les amis qui s'est fait. Bien sûr, j'ai vu les gens, j'ai vu la vraie souffrance, celle derrière les murs, celle qu'on voit pas trop dans les rues, celle qu'on nous cache, quoi. Tu vois, je l'ai vu. J'ai trouvé ça, c'est une double punition pour des gens qui vivent une maladie déjà intériorisée, qui ont du mal, en tout cas, qui la vivent de manière silencieuse. C'est doublement punitif quand. On a tous besoin en plus d'interaction, de contact avec les autres pour vivre, tu vois, se sentir considéré, c'est important, tu vois, pour donner du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on vit, à ce qu'on partage avec les autres. Et là, c'est compliqué pour eux. C'est des gens qu'on parque, qu'on met à l'écart, qu'on sédate. Les traitements, c'est des trucs qui t'assomment. Et il y a peu de contact avec l'extérieur. Et les rares contacts qu'il y a avec l'extérieur, c'est des gens qui se méfient, alimentés par des choses qu'on retrouve un peu partout. À la télé, aux infos, dans les films, les gens victimes de troubles psychiques, c'est des gens dangereux. C'est une connerie, tu vois. Donc c'est hyper important de casser ces stigmates-là. Je le fais pour mon frère, à mon petit niveau, hein. Et je le fais pour les gens qui vivent la même merde que mon frère. Vas-y, Rémi, du coup. Tu veux... Donc, est-ce que dans le futur, vous pensez écrire un autre livre sur votre relation avec votre frère, ou vous pensez avoir fait tout ce que vous avez dit ? Ça vient comme quand ça vient, je te jure. Après, réécrire sur mon frangin et là-dessus, non. En tout cas, lui m'a manifesté sa non-envie que je le fasse. Il m'a dit qu'il m'a demandé si c'était bon, si j'avais fini d'écrire sur lui. Et quand je lui ai dit oui, j'ai vu qu'il était soulagé, il paraissait soulagé. Donc je vais lui foutre la paix. Par contre, réécrire avec mon frère, parce que je trouve qu'il a de vraies qualités littéraires et il a une vraie plume, j'adorerais ça. Faut qu'il s'en sente capable et l'envie, tu vois. Mais il y aura de l'écriture encore. Je pense que j'irai ailleurs, mais il y aura de l'écriture. Je pense que j'ai besoin, l'écriture me permet, moi, de coller des pansements sur mes blessures, mes plaies. Je le fais en musique un peu de temps en temps, je le fais comme je peux à mon niveau, et c'est ça qui m'intéresse de faire. Donc je pense qu'il y aura encore de l'écriture, peut-être sur un sujet personnel encore. Juste avant, vous parliez du regard des autres, justement, sur la maladie de votre frère, et j'aimerais savoir comment vous avez vécu ce regard, vous connaissant votre frère, et plus du coup cette maladie. Comment j'ai vécu le regard des autres, oui, sur mon frère, oui, oui. Mal, la plupart du temps pas bien, quand c'était des regards juges et quand ça venait de l'intérieur. Les réunions de famille, les gens qui nous ont vus grandir, qui nous connaissent bien, pour qui, des gens qui ont été des repères pour nous, étant enfants. D'un coup, c'est très violent de voir quelqu'un qui fait figure de repère et en tout cas un visage familier. Se transformer par méfiance, tu vois, ça c'est pas possible. J'en ai fait un tout petit chapitre et rétrospectivement c'est pas si étonnant qu'il soit si petit, ce chapitre, parce que j'aurais pu en tartiner faire des kilomètres de pages, mais le but c'était pas de me venger, c'était juste d'expliquer, voilà, ça commence par la famille généralement et par les proches, et c'est là que se fait d'abord un travail de pédagogie, tu vois, d'explication, et voilà, et après c'est des discussions. Je vous remercie beaucoup. On arrive à la fin du temps qui nous a été alloué pour cette interview. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu. Félicitations à vous. Vous êtes doués tous les uns les autres, les unes les uns les autres. Merci. Je remercie aussi la technique, tous les gens qui ont été là.